Alors, dis études, dis travail, dis taf, je te dis les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Et puis dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Qui dit toujours et divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Et dit famine, et dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante.